lycée parisien comprimé. Serré, serré, serré, dans quelques mètres carrés. Serré parmi la foule, seul et désemparé. Serré au point café, serré à la cuisine. Serré dans l'ascenseur, serré à la cantine. Serré au parc Monceau, les jours de canicule. Serré dans le métro, par des cons qui nous bousculent. Serré dans notre chambre, étroite et triquée. Serré dans notre lit sans place pour trinquer. La vie, est-ce bien cela? Les chambres de bonne, j'en ai plus que ma dose. Qu'y a-t-il au-delà? Toujours des murs qui s'interposent. Nous avons maintenant un bel appartement où l'on peut librement s'étirer. Nous avons une cuisine au carreau bleu marine et bientôt une machine à laver. Je t'avais rencontré à la fin d'une soirée, vomissant les avatars d'un copieux buffet et chantant la vie en rose en polonais, voguant de squat en squat sans appart à louer. Et lorsque tu m'as vu, tu m'as dit: j'espère que tu n'es pas une apparition éphémère, un délire, un trip, une vision passagère, car sinon vois-tu, sinon j'en mourrai. La vie, est-ce bien cela? Un beau sourire, des yeux doux et des joues roses. Et puis, quoi au-delà? Peut-être l'amour, peut-être autre chose. Chaussettes en pestant sous la couette. Fini la cigarette au dessert. Dans notre chambre prête, sous notre housse douillette, tu me compteras fleurette en me composant des vers. La vie, c'est cela. Rentrer chez soi, penser à autre chose. Faire enfin une pause et laisser voguer son âme, ça et là.